Chapitre 16e. Victor passait ses soirées avec Benjamin Roussoff. Celui-ci eût préféré Demian, mais indubitablement ses études gagnaient à la surveillance de l'aîné, plus sérieux et plus difficile à troubler, malgré sa grande timidité. Victor avait un fond de patience inaltérable, là où son frère n'avait que de la volonté. La patience et la persistance sont souvent confondues, et pourtant elles diffèrent essentiellement. Celle-ci admet des impatiences, des révoltes que l'autre défend. Demian savait résister au sort, vaincre les obstacles matériels, lutter avec les difficultés du mécanisme, avec celles que lui suscitaient à tout moment ses élèves paresseux ou volontaires, car il voulait arriver, et il était décidé à tout subir dans ce but. Mais la vraie patience qui reprend 10 fois la même œuvre toujours renversée par la main capricieuse du destin, qui la reprend sans colère, sans rage intérieure, sans mauvaise humeur, même cachée, celle-là était l'apanage de Victor et devait lui rester. Un jour, au moment où Demian se préparait à sortir pour donner ses leçons, dont le nombre avait augmenté, Victor l'arrêta par le bras d'un air timide. « Te serait-il désagréable, lui dit-il, de me voir gagner ma vie à un ouvrage manuel ?»« Cela dépend, répondit Demian en souriant, car il croyait à une plaisanterie. Si c'est de casser du bois ou de charrier des briques, je serais bien aise de te voir t'en abstenir. » « Ce n'est pas cela, fit Victor, de plus en plus confus, comme s'il avouait quelque faute. Mais André m'a demandé si je voulais travailler avec lui chez son patron. On gagne beaucoup d'argent, à ce qu'il paraît, quand on est devenu habile. J'aimerais cet état si tu n'y faisais pas d'objection. » Demian était devenu sérieux. En s'apercevant qu'il ne savait rien et qu'il avait tout à apprendre, il s'était mis lui-même dans le chemin de la sagesse. Et sur cette route, il avait rencontré une foule de choses qu'il connaissait fort bien, mais dont jusque-là l'utilité ne lui avait pas paru démontrée. Entre autres, il avait reconnu qu'une vie de privation est belle et aisée dans l'avenir, mais que dans le présent elle exige une singulière abnégation de tous les jours. Il avait vu aussi que son frère souffrait de gagner moins que lui, non dans son amour-propre, le pauvre Victor ayant fait depuis longtemps bon marché des vanités terrestres, mais dans son amour fraternel, et se reprochait de coûter à son frère plus qu'il ne lui apportait. Un juge, moins prévenu, se fut rendu compte que, grâce à l'appoint inévitable des habits plus frais et d'une consommation plus considérable de linge blanc, Demian, qui sortait davantage, dépensait aussi beaucoup plus. Mais Victor ne voulait ni ne pouvait considérer les choses à ce point de vue. « J'aimerais tant faire des violons, insista-t-il, sur le ton de la prière. « Tu sais bien que celui que tu as est insuffisant. Quand je saurai, je t'en ferai un. » Demian attira son frère à lui. Ils ne s'embrassaient plus guère, car ils avaient passé l'âge des effusions enfantines, mais de temps en temps, une bonne étreinte les retrempait dans le cœur l'un de l'autre. « Tu sais bien que je ne puis pas refuser cela, » dit le jeune musicien, « et pourtant je le devrais, car tu vas te fatiguer et peut-être te rendre malade. »« Oh, pour cela, non, » dit Victor en riant, tant il se sentait heureux. Tu connais ma paresse naturelle. Je crois que tu peux te reposer là-dessus pour t'assurer que je n'en ferai jamais trop. » Demian hocha la tête. Dans leur petit ménage, c'est Victor qui avait pris toutes les charges matérielles. C'est lui qui apportait de l'eau, qui faisait la chambre, qui s'occupait des menus détails de la vie. Et cet arrangement leur avait semblé tout naturel. Enfin, dit le musicien, fais comme tu voudras, mon frère, et ce sera pour le mieux. Le lendemain matin, Victor suivit André chez le luthier Miller. Ce qu'il apprit, ce qu'il y gagna, sont des choses en soi peu intéressantes et il ne fit pas grand bruit de son apprentissage. En rentrant, il avait l'air content. Sa santé paraissait s'améliorer par ce changement de milieu et les longues promenades qui en étaient la conséquence. M. Roussoff, en apprenant cette résolution, lui témoigna plus d'amitié. Seul Benjamin se moqua de lui pendant 3 jours, et puis personne n'y songea plus. Quelques semaines après, un dimanche, pendant que nos amis s'occupaient à mettre de l'ordre dans leur intérieur, fort compromis par l'absence journalière de Victor, André frappa à leur porte et passa aussitôt son nez camu entre les deux battants. « Êtes-vous très occupé ?» leur dit-il. « Oui et non, pourquoi faire ?»« C'est que si vous aviez le temps ce soir, je vous aurais mené dans un bal d'Allemand. Cela en vaut la peine. » « Un bal payant ?» demanda Victor, toujours pratique. Oui, une Gesellschaft, comme ils disent, un club, comme nous appelons cela, nous autres. L'entrée n'est pas chère, le niveau n'étant pas très relevé. Qu'en dites-vous ? Victor regarda Demian en hésitant. Pour sa part, il ne se sentait aucune envie d'aller voir danser qui que ce soit. Mais son frère s'est élevé avec une certaine animation. Combien l'entrée ? 30 kopecks. Ce sont les employés de Miller qui m'y ont introduit. Ils vous présenteront car il faut être présenté. Mais cela n'engage pas à grand-chose. Vous pouvez vous griser à condition que vous ne ferez pas de bruit. Si vous faites du bruit, on vous mettra à la porte. Avec un peu de précaution, j'en conviens. Mais pas tout à fait sans égard. Demian regarda Victor, puis baissa les yeux. Il avait grande envie de voir un bal. Ce bal fut-il d'une Gesellschaft allemande, lui qui n'avait jamais lancé le plus petit coup d'œil dans le monde, même par une porte entrebâillée. Mais il n'osait le dire. « On se moquera de moi, » dit Victor avec hésitation. Il comprenait le désir de son frère, mais il avait si peur d'être tourné en ridicule. « Vas-y sans moi, Demian. »« Non, » répondit fermement celui-ci, « je n'irai nulle part sans toi. » « Pendant que vous vous livrez à cet assaut de générosité, » dit André, « je vais brosser mes plus beaux habits. Le frac n'est pas de rigueur, vous savez, chez les Allemands. » Sa tête disparut, et Victor regarda son frère d'un air suppliant. « Je t'en prie, » dit-il, « va t'amuser. Je resterai ici à lire un livre qu'André m'a prêté il y a un mois, et que je n'ai pas pu commencer jusqu'à présent. » D'un signe de tête bien décidé, Demian répondit non. Ce bal avait pour lui une sorte d'attrait qu'il n'eût jamais osé définir et qu'il ne se sentait pas capable d'affronter seul. Il avait peur de ce qu'il éprouverait. Il croyait deviner là quelque chose d'un peu malsain, en quelque sorte. Et il ne voulait pas emporter toute la responsabilité d'une pareille démarche. Non qu'il redoutât de se griser ou de se voir en société de gens ivres. Il avait vu des ivrognes au village. Bien des flacons se vidaient chez son père à la fête de la paroisse. Et il avait été moins paisible et non scandalisé de petites scènes comiques qui eussent excité la verve d'un autre. Ce qu'il craignait, c'était le mot bal. C'était l'image qu'il se faisait d'un tourbillon où passaient des femmes en robe décolletée, avec des fleurs dans les cheveux, comme il en avait vu une fois chez Madame Roussoff quand il était tout petit, à l'occasion du baptême de Benjamin. Victor n'entrevoyait point de choses semblables. Il avait une peur horrible de s'entendre tourner en dérision à cause de son infirmité. Il disait volontiers « Je suis bossu, et cela ne lui coûtait rien. » Il allait et venait dans les rues, insoucieux de sa difformité parce qu'il la savait inévitable, parce qu'il fallait bien aller dans les rues et que d'ailleurs, il ne regardait jamais que droit devant lui. Puis le peuple est naturellement charitable, et les mauvais cœurs disposés à railler une infirmité sont peut-être plus rares que partout ailleurs en Russie, où le respect des défaillances de la nature est presque une religion. Il continua son rangement silencieux et un peu triste. À tout moment, son regard croisait celui de Demian. Leurs mains se rencontraient sur le même objet, mais ni l'un ni l'autre ne voulaient parler, et ce silence leur pesait lourdement. Ce n'était pas une bouderie, cependant, bien loin de là. Mais chacun éprouvait des sentiments qu'il ne voulait pas communiquer à l'autre. Demian par pudeur, Victor par fausse honte. Celui-ci, voyant que son frère ne voulait pas revenir sur sa résolution, se plongea dans un courant nouveau de pensées. Il leur faudrait un jour ou l'autre quitter la solitude dans laquelle ils vivaient. Aurait-il le triste courage de laisser Demian affronter seul les angoisses de son premier concert? Monsieur Roussoff avait dit que le jeune violoniste devrait entrer l'hiver suivant au conservatoire. Victor se refusera-t-il toute la vie le plaisir d'aller l'y chercher, d'assister à ses examens, de l'entendre proclamer premier prix, ce premier prix dont ils rêvaient tous deux dans leurs heures d'abandon? Le jeune homme se dit que jamais il ne se pardonnerait de priver son frère d'une sympathie si chère à ce moment solennel. Ce point acquis, Victor se demanda pourquoi il ne commencerait pas le jour même à brûler ses vaisseaux et à tuer son amour-propre, puisqu'il faudrait en venir là un jour ou l'autre, et son hésitation ne fut pas longue. Avec un héroïsme dont il était loin d'avoir conscience, il mit le pied sur ce qu'il appelait son égoïsme, et non sans une secrète douleur, il décida que le jour même, il viderait d'un trait la coupe de l'humiliation. « Cela vaut mieux, » se dit-il, pour se persuader que jusque-là il n'avait été qu'un lâche. Au moins, après cette épreuve, je n'aurai plus peur. Je saurai ce que c'est. Et puis, il faut bien en passer par là. Je suis un homme, il faut être brave, et ne pas craindre de se jeter à l'eau quand on veut savoir nager. Après s'être encouragé de la sorte, le jeune homme leva hardiment les yeux sur son frère, mais celui-ci évitait son regard, ne voulant pas lui laisser lire de regret dans ses yeux, et il fut forcé de l'interpeller. « Demian, lui dit-il, tu sais, il faut aller à ce bal. J'ai réfléchi, j'avais tort. Nous ne savons rien du monde. Il est nécessaire d'apprendre comme font les autres. Ce n'est pas en restant dans notre coquille que nous le saurons jamais. Si tu n'es pas d'avis contraire, nous irons avec André. » « Et s'il se moque de toi ?» reprit son frère, ému à son tour à la pensée d'une humiliation possible pour son cher aîné. Sans vouloir écouter les protestations de Victor, qui lui assurait que ce n'était jamais arrivé et que cela n'arriverait pas, Demian agita ses bras robustes. « Si quelqu'un se moque de mon frère, il n'y reviendra pas deux fois, j'en réponds. » Et aussitôt, nos amis commencèrent leurs préparatifs pour ce qu'ils appelaient, avec la hardiesse de l'innocence, « aller dans le monde ».